De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour et bienvenue sur Fadjet, de l'huile dans les rouages, votre chronique hebdomadaire, toujours présentée par Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves, comment vas-tu ? Ça ne va pas du tout. Ah. Mon patron m'a donné une tonne de travail à faire pour demain et Ah bon, oh, c'est quand même pas si grave Yves, tu vas pas en faire tout un plat ? Oh bah voilà. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'entendre cette phrase Yves ? Bah écoute, ça minimise un peu le travail que j'ai à faire et ça me prend pas trop en compte ce que je ressens. Voilà, exactement. Donc petite vigilance, hein, quand quelqu'un vient vous voir et vous confie quelque chose, une difficulté qu'il a et surtout si son niveau émotionnel est assez fort, minimiser ce que la personne peut ressentir ou essayer de le consoler, c'est pas grave, ça va aller, ça va passer. C'est pas si efficace que ça, en fait. Ça fait partie de ce qu'on appelle les messages risqués. Et là, j'aurais aussi pu te dire qu'est-ce qu'il t'a dit, ton patron ? Comment ça se fait que tout à coup, t'as plein de travail, là ? Ça te fait quoi si je te dis ça ? Bah, ça peut vouloir dire que j'ai pas forcément anticipé le travail que j'avais à faire. Ouais. Et ça me met un peu fautif dans l'histoire. C'est ça, ça peut sous-entendre que t'as des torts, etc. Et chez toi, ça va avoir un effet plutôt désagréable et ça va pas t'aider à avancer sur le sujet. Donc effectivement, enquêter, essayer d'en savoir plus sur la chose, c'est pas forcément très très bien accueilli par la personne qui va mal, qui est en souffrance. Donc, c'est vrai que c'est aussi un des messages risqués que je vous conseille d'être vigilant à éviter. Et enfin, si je te dis, moi aussi, il m'a fait le coup le mois dernier, le patron. Ça résout pas mon problème. Voilà, toi, qu'est-ce que ça peut te faire. C'est ça. On en est tous là, hein, tout le monde. Voilà. Et ben oui, ramener à soi, quand quelqu'un vient nous confier un problème, ça va pas l'aider, cette personne. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir ça en tête. C'est pas un message interdit dans la communication. Spontanément, on peut faire ça, effectivement. Mais c'est risqué. C'est-à-dire qu'on ait conscience que si je minimise ce que me dit l'autre, si j'enquête dans ce que vient me dire l'autre, ou si je ramène tout à moi, l'autre, je ne vais pas être aidant pour lui. Je ne vais pas l'accompagner dans son émotion, je ne vais pas aider les choses à ce qu'elles s'améliorent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, parce que dire tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est une chose, bien, mais c'est quand même mieux d'apporter des outils. Et oui, et c'est mon job de vous donner des outils. Eh bien, je reviens à la suggestion de l'écoute empathique, je vais le répéter souvent, c'est ultra utile. Donc, on va la refaire, si tu veux. Voilà, j'ai plein de travail, Noémie, ça ne va pas du tout, je n'en peux plus. Et tu es inquiet ? Je suis inquiet, je suis au bout du rouleau. Ah, tu te sens fatigué aussi par toutes les tâches que tu as. Tu aurais besoin d'aide ? Ah oui. Tu veux bien m'aider ? Tu fais mon travail à ma place. Alors, je ne vais pas pouvoir faire ton travail à ta place, mais quelle sorte d'aide je pourrais t'apporter ? Moi, j'ai, par exemple, je sais que j'ai 30 minutes là, avant midi, où peut-être je peux t'aider. Qu'est-ce que tu pourrais me demander ? Et on sent qu'il y a un partage. Voilà. Et donc, le fait d'accueillir l'émotion, est-ce que tu es stressé ? Est-ce que tu es inquiet ? Eh bien, même si je me trompe, tu vas me repréciser les choses. Tu vois, tu m'as dit, je suis au bout du rouleau. Donc, c'est plus qu'inquiet, c'était cette fatigue qui était là. Et après, chercher les besoins, mais pas en termes de stratégie. Tu as besoin que j'aille voir à parler au patron. Est-ce que tu as besoin de temps ? Est-ce que tu as besoin... Et puis, voilà, des fois aussi, en identifiant le besoin, on n'a pas résolu le problème de la personne, mais on l'a aidé à se sentir accueilli dans ce qu'elle est à ce moment-là, donc à être reconnue, à recevoir une forme de considération. Et c'est déjà beaucoup. Donc, on est souvent dans la solution concrète, efficace, mais la première chose à traiter, c'est l'état de la personne, la relation et l'état de la personne. Et dans cette attitude, il faut éviter aussi d'aller trop loin. Oui, on peut être intrusif, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. On peut vérifier, est-ce que tu as envie d'en parler ou est-ce que tu as besoin d'être seul ? Dans les besoins, ça peut être ça. Est-ce que tu as besoin d'être seul, que je te laisse tranquille ? Voilà. Ou quand on est aussi très embêté, qu'on ne sait pas quoi dire, on peut dire la phrase « je ne sais pas quoi dire ». Je suis vraiment désolée de la situation. Par exemple, les deuils, souvent les gens sont désemparés de ne pas savoir quoi dire à la personne parce qu'ils mesurent que c'est une situation très difficile et ils voient bien qu'ils n'ont aucun levier. La personne est décédée en face, etc. Donc, dire « je ne sais pas quoi dire » ou « je suis vraiment désolée », ça peut déjà être plus facile à accueillir pour l'autre que d'être dans le conseil ou dans « ça va passer, tu verras » ou des choses comme ça. De quoi on parlera la prochaine fois ? Alors, la prochaine fois, je vous propose des outils pour vérifier que vous n'êtes pas en train d'être un sauveur pour l'autre. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.